Je vous ai déjà présenté la Bible. Les cinq premiers livres sont appelés le Pentateuque et constituent la Torah, base du judaïsme. Et l'ensemble de la Bible, appelé aussi le livre ou les Écritures, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la base du christianisme. Je vous propose aujourd'hui, en 1h10 environ, des extraits du Coran, le premier livre connu à avoir été écrit en arabe qu'il a contribué à fixer. Le Coran est le fondement le plus sacré de l'islam, troisième grand courant monothéiste, croyance en un dieu unique, par opposition aux polythéistes qui rendent un culte à plusieurs dieux. Avec le christianisme et le judaïsme, l'islam fait partie des religions dites abrahamiques, c'est-à-dire se référant à leur ancêtre commun, Abraham ou Brahim ou Ibrahim pour les musulmans. Le Coran est la base de la deuxième religion la plus répandue dans le monde après le christianisme. En 2010, et je n'ai pu trouver de chiffres plus récents, les musulmans représentaient déjà près du quart de la population mondiale, soit 1,6 milliard de personnes. 20% seulement vivent dans le monde arabe, la majeure partie des musulmans étant en Indonésie. Avant de vous lire des extraits de ce Coran, voici une présentation succincte de celui qui l'a révélé au monde, le prophète Mohammed, autrement dit Mohammed, alias Mahomet, d'où est dérivé l'adjectif un peu oublié mahométan. Mohammed signifie littéralement « celui qui parle au monde », et ce qu'il a révélé au monde, c'est d'abord le Coran. On sait très peu de choses sûres concernant la vie du prophète avant la révélation. Ce que je vais vous en dire est tiré de l'introduction au Coran écrite par Maxime Rodenson, publiée en 1961 et reprise dans la célèbre Encyclopédia Universalis. Selon la tradition la plus courante, Mohammed serait né en Arabie Saoudite à Mecca, la Mecque, en 570 de notre ère. Il était le fils d'un nommé Abd Allah. Allah signifie Dieu, et avant le Coran, Allah était un des dieux honorés à la Mecque. Sa mère s'appelait Amina. Père et mère appartenaient à une tribu de commerçants qui tirait profit notamment du pèlerinage au temple local, la Kaaba, bâtiment globalement cubique où étaient rassemblées de nombreuses idoles et une pierre noire encastrée, sans doute d'origine météorique. Très tôt orphelin, Mohammed fut élevé par un oncle, Abu Talib. Avant la fin de son adolescence, il fut embauché par Khadija, une veuve riche commerçante. Devenue amoureuse de lui, elle lui proposa le mariage qu'il accepta. De cette union, seules survécurent 4 filles. Devenu un homme aisé et un notable considéré, il adopta son cousin Ali, son futur gendre, fils de celui qu'il avait élevé, et Zaïd, un esclave d'une tribu arabe en grande partie chrétienne. Le terme arabe en effet renvoie à un groupe humain, une ethnie, alors que chrétien renvoie à une religion. De nombreux arabes en Palestine notamment sont chrétiens. À cette époque, en Arabie, le polythéisme commençait en effet à être remis en question, notamment par des juifs et des chrétiens qui prônaient le monothéisme. Et le prophète Mohammed s'instruisit abondamment sur l'histoire biblique auprès des juifs et des chrétiens qui l'interrogeaient à la Mecque. Habitué à faire des retraites à l'exemple des ascètes chrétiens et de leurs imitateurs arabes, Mohammed eut en 610 une vision et entendit une voix. Selon la tradition, c'était l'ange Gabriel, Djibril en arabe, le même qui apparut à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Donc, c'était l'ange Gabriel qui lui transmettait la parole de Dieu. Après avoir tenu secrète cette parole divine pendant 3 ans, il commença à la répandre autour de lui. Mais, devant les hostilités qu'il rencontrait à cette occasion, il émigra à Médine, à 350 km au nord-ouest de la Mecque. Médine signifiant la ville, d'où le nom de Médina pour les villes indigènes du Maghreb. Cette émigration de la Mecque vers Médine, appelée Hégire, le 24 septembre 622, est le point de départ du calendrier musulman. Jusqu'à sa mort en 633, Mohammed recevra donc les paroles divines par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il répéta à son entourage et plus tard les dicta à un secrétaire. C'est cette notation écrite qui devait former le Coran, c'est-à-dire la récitation, la lecture. Il est réparti en 114 sourates ou chapitres, découpés eux-mêmes en versets comme la Bible. Mis à part la première, très courte, ces sourates ont été réparties assez artificiellement de la plus longue, la seconde, 36 pages sur 540, à la plus courte, la 114e, un tiers de page seulement. Et comme ces sourates ont été révélées à différentes époques, certaines à la Mecque, les autres à Médine, la recomposition est aussi artificielle. Pour être plus proche du texte initial, j'avais d'abord pensé vous présenter la majeure partie de la sourate 2, en y ajoutant par-ci par-là quelques autres versets complémentaires choisis dans les autres sourates.